Chapitre 14e, le 50e tigre du capitaine Hod. Le colonel Munro, ses amis, ses compagnons n'avaient plus rien à craindre, ni du nabab, ni des hindous, qui s'étaient attachés à sa fortune, ni de ses dacoits, dont il avait formé une redoutable bande dans cette paroi du Bundelkund. Au bruit de l'explosion, les soldats du poste de Jubulpore étaient sortis en nombre imposant. Ceux qui restaient des compagnons de Nana Sahib, se trouvant sans chef, avaient aussitôt pris la fuite. Le colonel Munro se fit reconnaître. Une demi-heure après, tous arrivaient à la station, où ils trouvèrent abondamment ce qui leur manquait, et particulièrement les vivres dont ils avaient le plus pressant besoin. Lady Munro fut logée dans un confortable hôtel, en attendant ce moment de la conduire à Bombay. Là, Sir Edward Munro espérait rendre la vie de l'âme à celle qui ne vivait plus que de la vie du corps, et qui serait toujours morte pour lui tant qu'elle n'aurait pas recouvré la raison. À vrai dire, aucun de ses amis ne se résignait à désespérer de la prochaine guérison de Lady Munro. Tous attendaient avec confiance un événement qui seul pouvait profondément modifier l'existence du colonel. Il fut convenu que dès le lendemain, on partirait pour Bombay. Le premier train ramènerait tous les hôtes de Steamhouse vers la capitale de l'Inde occidentale. Cette fois, ce serait la vulgaire locomotive qui les emporterait à toute vitesse et non plus l'infatigable géant d'acier dont il ne restait maintenant que des débris informes. Mais ni le capitaine Hod, son fanatique admirateur, ni Banks, son créateur ingénieux, ni aucun des membres de l'expédition ne devait jamais oublier ce fidèle animal auquel ils avaient fini par accorder une vie réelle. Longtemps le bruit de l'explosion qui l'avait anéanti retentirait dans leurs souvenirs. Aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'avant de quitter Jubulpore, Banks, le capitaine Hod, Mauclair, Fox, Goumi eussent voulu retourner sur le théâtre de la catastrophe. Il n'y avait évidemment plus rien à craindre de la bande des dacoits. Toutefois, par surcroît de précaution, lorsque l'ingénieur et ses compagnons arrivèrent au poste des Vindhya, un détachement de soldats se joignit à eux et vers 11 heures, ils atteignaient l'entrée du défilé. Tout d'abord, ils trouvèrent épars sur le sol 5 ou 6 cadavres mutilés. C'étaient ceux des assaillants qui s'étaient jetés sur le géant d'acier afin de dégager Nana Sahib. Mais c'était tout. Du reste de la bande, il n'y avait plus trace. Au lieu de retourner à leur repère de Ripor, maintenant connu, les derniers fidèles de Nana Sahib avaient dû se disperser dans la vallée de la Nebourda. Quant au géant d'acier, il était entièrement détruit par l'explosion de la chaudière. L'une de ses larges pattes avait été rejetée à une grande distance. Une partie de sa trompe, lancée contre le talus, s'était enfoncée et ressortait comme un bras gigantesque. Partout, des tôles gondolées, des écrous, des boulons, des grilles, des débris de cylindres, des articulations de bielle. Au moment de l'explosion, lorsque les soupapes chargées ne pouvaient plus offrir d'issue, la tension de la vapeur avait dû être effroyable et dépasser peut-être 20 atmosphères. Et maintenant, de l'éléphant artificiel dont les hôtes de Steamhouse montraient si fiers, de ce colosse qui provoquait la superstitieuse admiration des hindous, du chef-d'œuvre mécanique de l'ingénieur Banks, de ce rêve réalisé du fantaisiste Raja de Bhoutan, il n'en restait plus rien qu'une carcasse méconnaissable et sans valeur. Pauvre bête, ne put s'empêcher de s'écrier le capitaine Hod devant le cadavre de son cher géant d'acier. On pourra en fabriquer un autre qui sera plus puissant encore, dit Banks. Sans doute, répondit le capitaine, en laissant échapper un gros soupir, mais ce ne sera plus lui. Pendant qu'il se livrait à ses investigations, l'ingénieur et ses compagnons eurent la pensée de rechercher s'ils ne trouveraient pas quelques restes de Nana Sahib. À défaut de la figure du nabab, facile à reconnaître, celle de ses mains à laquelle il manquait un doigt, leur eût suffi pour constater l'identité. Ils auraient bien voulu avoir cette preuve incontestable de la mort de celui qu'on ne pouvait plus confondre avec Balao Rao, son frère. Mais aucun des débris sanglants qui jonchaient le sol ne semblait avoir appartenu à celui qui fut Nana Sahib. Ses fanatiques avaient-ils emporté jusqu'au dernier vestige de ses reliques? Cela était plus que probable. Il devait néanmoins en résulter ceci. C'est que, puisqu'il n'y avait aucune preuve certaine de la mort de Nana Sahib, la légende allait reprendre ses droits. C'est que, dans l'esprit des populations de l'Inde centrale, l'insaisissable Nabab passerait toujours pour vivant en attendant que l'on fît un dieu immortel de l'ancien chef des Sipaïs. Mais, pour Banks et les siens, il n'était pas admissible que Nana Sahib eût pu survivre à l'explosion. Ils revinrent à la station, non sans que le capitaine Hod eût ramassé un morceau d'une des défenses du géant d'acier, précieux débris dont il voulait faire un souvenir. Le lendemain, 4 octobre, tous quittaient Jubbulpore dans un wagon mis à la disposition du colonel Munro et de son personnel. 24 heures plus tard, ils franchissaient les Ghâts occidentales, ces Andes hindous qui se développent sur une longueur de 360 lieues, au milieu d'épaisses forêts de banyans, de sycomores, de teks, entremêlées de palmiers, de cocotiers, d'arecs, de poivriers, de sandales, de bambous. Quelques heures après, le railway les déposait à l'île de Bombay, qui, avec les îles Salcette et les Fontailles autres, forme une magnifique rade et porte à son extrémité sud-est la capitale de la présidence. Le colonel Munro ne devait pas rester dans cette grande ville où se coudaient des Arabes, des Persans, des Banyans, des Abyssiniens, des Parsis ou Guèbres, des Sindes, des Européens de toutes nationalités et même, paraît-il, des Hindous. Les médecins, consultés sur l'état de Lady Munro, recommandèrent de la conduire dans une villa des environs où le calme, joint à leurs soins de tous les jours, au dévouement incessant de son mari, ne pouvait manquer de produire un salutaire effet. Un mois se passa. Pas un des compagnons du colonel, pas un de ses serviteurs n'avait songé à le quitter. Le jour qui n'était pas éloigné où l'on pourrait entrevoir la guérison de la jeune femme, ils voulaient tous être là. Ils eurent enfin cette joie. Peu à peu, Lady Munro revint à la raison. Ce charmant esprit se reprit à penser. De ce qu'avait été la flamme errante, il ne resta plus rien, pas même le souvenir. « Laurence, Laurence !» s'était écrié le colonel, et Lady Munro, le reconnaissant enfin, était tombée dans ses bras. Une semaine plus tard, les hôtes de Steamhouse étaient réunis dans le bungalow de Calcutta. Là allait recommencer une existence bien différente de celle qui avait empli jusqu'alors la riche habitation. Banks y devait passer les loisirs que ses travaux lui laisseraient, le capitaine Hod les congés dont il pourrait disposer. Quant à McNay et les Goumi, ils étaient de la maison et ne devaient jamais se séparer du colonel Munro. À cette époque, Mauclerc fut obligé de quitter Calcutta pour revenir en Europe. Il le fit en même temps que le capitaine Hod, dont le congé était expiré et que le dévoué Fox allait suivre au cantonnement militaire de Madras. « Adieu, capitaine, lui dit le colonel Munro. Je suis heureux de penser que vous n'avez rien à regretter de votre voyage à travers l'Inde septentrionale, si ce n'est peut-être de n'avoir pas tué votre 50e tigre. Mais il est tué, mon colonel. Comment il est tué ? Sans doute, répondit le capitaine Hod avec un geste superbe. 49 tigres et Kalagani. Cela ne fait-il pas mes 50 ? Ainsi s'achève La maison à vapeur par Jules Verne.